Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 48. J'espère que tout le monde est en forme. On est dimanche matin, le 2 août, mesdames et messieurs, et je suis en vacances maintenant. Alors, très heureux. C'est drôle parce que je travaillais pas depuis le mois de mars, le début de la pandémie, quand les écoles, à partir du moment que les écoles ont fermé, je ne travaillais pas. Et puis, pas travailler, comme pas aller à la job et tout, mais bien sûr, il y a tout le temps des petites affaires à checker ici et là, puis bon. Fait que je recommençais à travailler à temps plein au mois de juillet. Je dis ça à chaque épisode, hein. Bref. C'est ça. Fait que le concept de vacances est un peu abstrait pour moi cette année, mais on a eu, j'ai travaillé chez Retro MTL au mois de juillet, tout le mois de juillet. Et ensuite, là, on commence le mois d'août. Je suis en vacances pour 2 semaines. Ensuite, je travaille 1 semaine. Ensuite, je travaille pas parce que les enfants à la maison et le retour à l'école, là. Puis là, en septembre, ça devrait recommencer là, la vraie vie 9 à 5, école, enfants et tout. Donc, je dois dire que j'ai un peu hâte quand même. Là. J'ai hâte de pogner un genre de stabilité, de vie qui a une certaine forme. Parce que là, c'est comme tout le temps de l'improvisation. Là. C'est ça qui est un peu tannant. OK, toi, t'es-tu à la maison aujourd'hui pour le travail? OK, fait que moi, je vais aller travailler, puis tu revenais plus tôt, aller chercher le petit. Toi, le plus vieux, tu vas faire ça. OK, ah oh, non, je peux pas travailler aujourd'hui à cause de ça. Moi, je veux juste comme un horaire steady, là, tu sais. Fait que ça s'en vient, mais en attendant, ben, j'étais en vacances, puis ça fait du bien quand même, parce que il y a eu beaucoup de travail chez Retro Montréal, et puis ça, c'est bien le fun. Fait que ça m'a pas mal épuisé. Et puis, je vais continuer là-dessus. En fait, c'était plus loin dans mon ordre du jour, mais je vais me prendre une gorgée de café. C'est ça, Retro Montréal va vraiment bien, puis on est super occupé depuis le début de la pandémie, puis ça l'a pas ralenti, puis ça l'a même augmenté. Enfin, on est vraiment comme steady, doublé nos ventes là, de comparé à l'année passée à pareille date. Donc ça, c'est vraiment nice. Et puis, ça va vraiment bien. D'après moi, on devrait être bon pour pogner le million en chiffre d'affaires là, cette année, là, ce qui est quand même très respectable pour une shop à cassette. Et puis, c'est ça. Fait que là, on est 4. On est normalement... Ben, on le sait plus, en fait, à cause de la pandémie. Mais quand je suis retourné travailler au début juillet, on était 4. Et puis, 4 employés sur place en même temps. Et puis, ça marche quand même bien avec ça, même très bien. Comme ça, on s'est installé un nouvel ordinateur en arrière. Fait que là, on a 3 ordis en arrière. Donc, il y a Olivier qui rentre du stock toute la journée sur le site web. Moi, je fais du service à clientèle en ligne. Et puis, bon, courir un peu partout, faire toutes sortes de gogos. Jonathan, Joe Miette, un autre associé, c'est la même affaire. Il répare aussi les consoles un peu. Puis, on a un autre employé qui est commis, qui s'occupe de... des clients en avant. Fait que bref, même à 4 comme ça, comme on n'arrive pas à faire grand chose de plus que le roulement de base, là, je vous dirais. Fait que. Mais non, si on rentre un 5e employé, on va vraiment se piler dessus. Là. Ça va être assez tannant. En plus, on a tous nos masques d'en face. On s'habitue, là, mais oh my god, un masque d'en face à longueur de journée. Toute la journée, là. Toute la journée. C'est vraiment pas plaisant. Là. Fait que tout ça pour vendre des jeux, là. On n'est pas docteur là. Mais c'est ça. Donc fait que ça va bien. Et puis là, Joe il était en vacances pendant 2 semaines. Fait qu'on était juste 3. Et puis ça roule, là. Sérieux. Je sais pas. Il y a plein de monde qui nous écrivent pour des jeux qui veulent nous vendre leurs jeux. On achète énormément de lots là, puis de jeux, puis du monde qui arrive en magasin avec du stock. Tiens, m'achetez-vous ça. Donc, ces temps-ci, ça prend beaucoup de temps là, d'évaluation puis de gestion, s'occuper de ça. Et puis, il y a bien du monde là-dedans qu'on refuse aussi, qui nous propose Xbox 360, PS3. C'est fou, là, comment est-ce qu'on pourrait avoir des containers pleins de ces jeux-là si on les prenait tous. Fait que ça, on en refuse énormément, tout le monde se débarrasse de ça. Et puis, ouais, fait que non, c'est ben c'est cool. Je suis vraiment content là, parce que là, l'arcade est en train de... Je pense qu'il n'y a pas si pire, par exemple. Là, c'est Ellie qui s'occupe des chiffres et puis... on est proche de faire nos frais, d'après ce qu'il dit, là. Fait que, d'après faire nos frais, ça veut dire pas faire d'argent, mais pas en perdre. Parce que là, présentement, on perd 100% de l'argent à exister, dans le fond. Nos frais fixes, ça, on sauve pas là-dessus. Et en plus, nous, on paye du staff et du ménage et de l'approvisionnement pour être ouvert. Fait que là, moi, je me demandais, est-ce qu'on réussit au moins à payer pour être ouvert, tu sais. Et puis, parce que de toute façon, qu'on soit ouvert ou fermé, les frais de base, on réussit pas à les combler, tu sais. Mais là, à ce qui paraîtrait, oui, on couvre les frais pour être ouvert et on serait capable de gruger un peu dans les frais fixes, là. Donc, la descente, on ralentit la descente, disons. Puis, on n'est pas loin d'être capable de, comme, payer tout au complet, d'après Ellie. Alors, ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une annonce pour, comme, des événements privés. Profitez-en, sérieux, c'est pas cher, 100$ de l'heure pour des groupes, pour avoir l'arcade. C'est comme, je veux dire, c'est un terrain de jeu parfait, là, tu sais, service de bar, il y a au-dessus de 20 arcades rétro, il y a des jeux à tonnes, au-dessus de 100, tu sais, c'est parfait, là, puis tu te mets 20-30, là, c'est pas cher de l'heure, là, sérieux, pour un beau party. Tout est sécurisé, le plexiglas, le staff est masqué, man. Alors, tout est là. Fait que, checkez ça. Moi, je vous dis, allez-y. Et puis, ça vaut la peine. Puis, si on en book quelques-uns, ben, ça va encore ralentir la chute. Donc, ça, c'est très bien. On essaie de tenir le fort comme ça et de se battre avec le propriétaire. Mais, c'est ça. Pour revenir à Rétro Montréal, pourquoi je disais ça, non? Je me suis égaré mentalement. Ben, c'est ça. Rétro Montréal, lui, va très bien. Alors, ça, on est bien content. Tellement bien que là, on commence à manquer de place un peu parce qu'on a du stock en fou. Et puis, c'est ça, si on faudrait être un peu plus d'employés, faudrait que ça soit mieux organisé. Tu sais, comme ça prend vraiment des bureaux et ça prend un espace précis pour le shipping, un espace précis pour le nettoyage. Tu sais, comme parce que là, c'est tout condensé un peu en arrière. Là, puis. Puis le sous-sol, tu sais, comme l'overstock, on a, là, tu sais, le stock, il rentre. Un moment, on a un gros rack de fer dans le sous-sol avec tout ce qui arrive. On pitche ça là-dedans. Même à ça, il n'y a plus de place là-dedans. Fait qu'on fait des boîtes, puis on met ça un peu plus loin. Et puis, on pogne des chunks dans ce rack-là. On le nettoie. On le met dans un plus petit rack pour Olivier, pour qu'il rentre ça en inventaire. Mais lui, son petit rack est tout le temps de jamais. Puis à un moment donné, quand on réussit à voir le fond du gros rack, c'est comme, ah, enfin, on arrive, là, tu sais. Là, il rentre plein d'affaires. Puis là, ça devient. Fait que c'est un peu décourageant pour notre pauvre Olivier, mais quand même, il faut penser à... Ça nous prend peut-être un deuxième Olivier, ça nous prend quelqu'un qui va faire du service à clientèle à journée longue, tu sais, comme pour... Parce que là, on multitask trop. Et puis ça, c'est pas bon. Il faut du monde. Ça prend des soldats à chaque position, tu sais. Parce qu'on s'éparpille. Fait que c'est ça. Et puis, ouais. Fait que là, on considère peut-être louer plus grand. Un plus grand espace, t'sais. Déménager, ça fait juste un an et demi qu'on est là, mais en même temps, notre loyer, on a un bail de 5 ans, les beaux commerciaux, c'est le temps 5 ans, et puis, mais c'est pas cher, c'est vraiment pas cher notre loyer. Fait que là, on se dit, est-ce qu'on double la superficie ou on la triple et puis on va payer comme 5 fois notre loyer présentement, ou 4, ou même 3? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça alors qu'on pourrait sûrement acheter un immeuble? Donc là, c'est quelque chose qu'on considère présentement. J'ai demandé à la comptabilité de me fournir nos états financiers de l'année passée, les prédictions, et puis de quoi ça a l'air cette année. Et puis, on a envoyé ça à notre institution financière. On a trouvé un spot qui est un peu farfelu, mais qui est quand même très cool. On a envoyé l'affiche aussi là-bas, toutes nos... nous, les propriétaires, notre historique de crédit, dans le fond, tout le kit. Là. Fait qu'ils ont tout en main, eux autres, pour nous dire si oui ou non, on est capable de se payer un immeuble commercial de telle ou telle valeur, tu sais. Parce que, on dit n'importe quoi, là. Pourquoi est-ce que je payerais un loyer 5 000$ alors que je peux acheter un immeuble puis me payer moi-même cette hypothèque de 5 000$ là, tu sais. Je veux dire, si on a la capacité de le faire, on va le faire, là. Puis un immeuble, c'est un Christy de beau levier de... Je veux dire, si jamais ça va mal, on le vend. Ou si ça va mal, puis on ferme, on le garde pareil. On le loue, il se paye, tu sais. Je veux dire, t'es jamais perdant, à moins d'acheter un citron, là, tu sais. Mais t'es jamais perdant à avoir un immeuble dans la vie. Donc, si RetroMTL, la compagnie, l'entité, peut être propriétaire d'un immeuble, ça serait vraiment parfait. S'il y a des logements au-dessus, on les loue et puis on prend soin de ça, mais ça propre. Ça serait vraiment beau, là, tu sais, comme ça, c'est chez RetroMTL, c'est grand, le monde rentre travailler le matin, c'est propre. Et puis, si on réussit à avoir quelque chose d'assez grand, tu sais, on peut mettre peut-être des arcades là-dedans, justement, puis faire des événements de gaming, tout ce qu'on souhaitait faire dans notre présent local, mais qu'on n'a pas le temps parce qu'on est trop occupé à juste comme faire la gestion de base. Puis tu sais, si on avait plus grand aussi, tu sais, moi j'étais comme bien puriste là, tu sais, je veux pas qu'on ait de toutou, je veux pas de t-shirt, je veux pas de figurines pop, je veux rien de ça. C'est moi, je veux que ça soit cassette et puis jeux vidéo, précisément les jeux. Et puis on était tous d'accord, les propriétaires. Finalement, on est comme pas d'amiibo, tu sais, pas rien. Puis là, finalement, avec le temps, c'est comme crime. Quand on a des amiibo, ça va super bien. Moi, c'est rendu que j'adore les amiibo pour ça. Et puis, il y a du monde qui nous écrivent de temps en temps. Avez-vous des t-shirts? Avez-vous des gogos? Avez-vous des cartes de ciel? Puis, je suis comme, hey, si on a plus grand, ben là, on n'a plus de place. Mais avoir un grand espace, je suis comme, on fait le plein de pop, on fait le plein de t-shirts, on fait comme EB Games, comme tous les autres. On se remplit de marchandises. Et puis, des posters, des cartes, whatever, name it, des porte-clés. Moi, ça va me faire bien plaisir de vendre ça et puis de rendre des gens bien heureux. Et nous-mêmes, parce que la marge est bonne là-dessus. Donc, c'est ça, une belle grande place, bien setée, des arcades, tu sais, de la marchandise, tout. Je le vois, là, tu sais. J'ai comme le goût, là, j'ai besoin de développement, là, présentement, tu sais. Je suis toujours de même. Ça fait un an, ça fait juste un an que ce magasin-là est ouvert. Je me dis, on va relaxer un peu. Là. Plus d'autres projets avant un bout. Mais là, j'ai comme envie de développer cette entreprise-là. Vu que je peux rien faire de plus pour l'arcade présentement puis espérer qu'elle survive, ben là, je veux comme mettre tout mon power sur le magasin pour voir qu'est-ce qui arrive. Puis j'ai bien essayé. J'étais un gars de projet. J'adore les projets. J'ai bien essayé au cours des deux dernières années de me connecter avec le monde, des gens du monde de la bière. Puis je me suis fait des amis là-dedans et puis je connais plus de monde que quand j'ai pas essayé d'avoir des contacts. Et puis pour faire un pub ou quelque chose, puis là, bien sûr, c'est pas vraiment le moment de me lancer là-dedans, on dirait. Fait que je pense que je vais concentrer mes efforts sur ce que j'ai déjà bâti. Et puis essayer de lui faire prendre l'expansion parce que je pense qu'on tient quelque chose avec ça et puis que ça pourrait être très très hot. Ah, fait que ouais, moi c'est ça qui m'allume là présentement. Fait que là, je m'en vais en vacances, j'ai donné les documents à tout le monde. Là, je vais essayer d'être le moins possible sur mon téléphone pendant que je suis parti. J'ai quand même hâte de voir s'il y a des emails qui vont rentrer avec des bonnes nouvelles. Puis c'est ça, hey, je me suis fait, c'est weird, en allant travailler justement au magasin le matin, j'y vais en vélo, c'est mon exercice, et puis je roulais là, tu sais, à vélo, comme ça, et on roule, puis là, soudainement, avec une bonne vitesse, puis là, dans un quartier, là, dans Angus, là, bien propre, tu sais, pas nécessairement plus d'arbres qu'ailleurs, whatever, puis là, tac, il se pose sur mon bras droit, pendant que je roulais, une grosse Chris, la bébite, là. Une grosse bébite. Comme, pas une guêpe, mais plus un format mouche, là. Comme une grosse mouche noire géante, là, tu sais. Puis, je sais pas si c'est une mouche à chevreuil, là, tu sais, parce que j'ai fait mes recherches après. Mais, je connais pas bien ça. Puis, tout est allé super vite, là. Mais c'est vraiment comme la plus grosse horrible crise de bébite lette que j'ai vue de ma vie. Parce que, elle m'a piqué, ou elle m'a mordu, en fait. C'est allé très vite, je roule, tac, là, c'est... elle me pique, elle m'a mordu sauvagement. Puis là, je l'ai tapé. Là, j'étais à vélo, je lâche une main pour taper la bébite. Elle décolle pas, elle est comme trop, elle a trop pris une grosse mordée, elle pognait là. Et puis là, je lâche mes deux mains, comme je réussis à kicker la bébite. Puis j'ai pas bêché en vélo, Dieu merci, mais Man, elle m'a mordu, ça a tellement fait mal, là. C'était fucké, là. J'ai jamais ressenti ça. Une fois dans ma vie, je me suis fait piquer par une guêpe, genre à l'intérieur de la cuisse. Ça avait fait quand même très mal. Puis ça avait bourdonné toute la journée, un peu le lendemain. Mais ça faisait juste mal, puis ça l'a arrêté. Une fois, pour faire un test, j'ai attrapé un bourdon avec ma main. Tu sais, les thons, là, un bourdon. En Beauce, on disait un thon. Et puis, je l'ai pogné avec ma main parce que tout le monde dit « Oh, ça pique pas, ça ». Erreur, ça pique en crise. Ça pique, mais ça, c'est la bébite qui a... Sur le coup, ça fait très mal, puis ça avait passé très vite. Mais cette piqûre-là, ça a fait crissement mal. Vraiment, là, j'étais comme... J'en revenais pas de comment ça faisait mal. Et puis, bon, là, je rembarque sur mon vélo, je m'en vais au magasin. Puis là, on voyait précisément où était la morsure. Puis autour de la morsure, c'est créé une grosse anneau de boursouf, là, tu sais, comme complètement une balloune, là, en dessous de la chair, là, tu sais. Fait que là, j'ai vidé full d'alcool à friction là-dessus, puis je laissais aller, tu sais. Fait que ça a fait mal toute la journée, mais le soir, l'enflure était disparue, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, crime parfait, c'est comme le bourdon, sauf plus violent, tu sais, puis c'est dissipé et c'est terminé. Le lendemain, pas grand-chose, là, le surlendemain, je suis comme, ah, ça commence à me piquer, là, tu sais. Puis là, je regarde ça, puis il est en train de se créer une grosse plaque rouge en dessous de la piqûre, puis ça prenait de l'expansion, ça se répandait sur mon bras, tu sais, comme une plaque vraiment plus grande que la piqûre elle-même. Là, bon, je mets de l'alcool à friction, je laisse ça aller, j'essaie de pas me gratter, tu sais, je me dis que ça va passer. L'autre journée d'après, je suis comme, crime, ça passe pas pantoute. Fait que là, mes vacances s'en venaient, puis ma blonde, puis elle avait bien raison, m'a convaincu d'appeler ma médecin, parce que j'ai une médecin de famille, je suis bien chanceux, et puis de voir avec elle qu'est-ce qui se passait avec ça. Moi, ça me tentait pas, tu sais, je suis comme, fuck off. Mais là, je voulais pas là, être poche, puis c'est vrai que... Ça commençait à m'inquiéter, pour être franc. Donc, la beauté de la médecine en temps de COVID, c'est qu'il n'y aise pas avec ça. Elle a dit, ben, là, j'essayais d'expliquer au téléphone. Elle a dit, ben, check, viens au bureau, et puis, cogne dans la porte, et puis, elle est dans une clinique, elle, là. Fait que, cogne dans la porte de la clinique, je vais venir te voir, puis on va checker ça. Fait que, je m'en vaudrais de faire ça. Une demi-heure après, je m'en allais travailler ce matin, là. Fait qu'une demi-heure, là, j'avais la chienne de me faire piquer, tu sais. C'est rendu que je suis comme traumatisé. J'ai peur de rouler à vélo, de me faire piquer. Et puis, c'est ça, elle me dit, oh boy, c'est en train de s'infecter, tu vois, où la morsure, là, il y a un peu du pus, puis tout. Fait que là, ben, elle m'a donné des antibiotiques et puis une genre de crème à la cortisone là, pour mettre là-dessus. Là. Fait que là, j'en avais pour 10 jours de prendre des antibiotiques, des grosses crises de pelules, la même grosseur que la bébite, sinon plus. Et puis, des grosses pilules blanches, là, tu sais. Faut que j'avale ça, là. Dans le fond, je pourrais les casser en deux, mais trop d'ouvrage. Fait que j'avale ça d'une traite. Matin et soir, faut que je prenne ça en mangeant. Parce que les antibiotiques, bien sûr, ça magane l'intestin, l'estomac. Ça peut donner la diarrhée et tout le beau kit qui va avec ça. Fait que là, tu peux pas prendre d'alcool. Ben en fait, tu peux, ça change pas les effets de l'antibiotique. Mais, tu sais, comme vu que tes intestins sont déjà très sollicités par l'antibiotique, ben là, si tu rajoutes de l'alcool là-dessus, ça magane. Fait que c'est ça, là, j'ai comme « fuck you, bebite, man, je m'en vais en vacances, je veux prendre des bières avec mes amis, puis relaxer sur le bord du feu, puis là, je peux même pas prendre un verre à cause de la maudite bebite qui est venue me piquer pour me donner les antibiotiques qui donnent la chiasse, puis pas prendre de bière, c'est comme « ah! » C'est... Il m'arrive pas des malheurs extrêmes dans la vie, et puis je suis bien content, mais ça, c'en est un! Je me plains. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que là, on est dimanche, comme je disais, et puis il reste, on s'en va demain, et puis je finis les antibiotiques demain matin. Fait que ça, juste à temps avant de partir. Fait que ça, c'est bien. Mais man, c'est vrai, moi, les antibiotiques, là, ça m'épuise le ventre, là, tu sais. Pour vrai, je vais pas aux toilettes à toute la journée, tout ça, tu sais. Je suis capable, mon corps n'a pas besoin de ça. Le matin, une fois, ça va. Allez, parlons marde avec Papa Cassette. Mais que ça va, mais quand même, c'est très épuisant dans l'estomac, je trouve, puis l'intestin. Tu as tout le temps comme un fond de mal de ventre. Puis j'haïs les antibiotiques. J'haïs ça, prendre des médicaments, surtout des médicaments qui sont forts, qui te frappent le système, tu sais. Puis tout ça pour aller. C'est drôle, comment tu prends une pilule? Puis là, elle descend ton estomac. Là, ça s'en va dans ton sang, puis là, but, ça s'en va soigner, tu sais, comme la place sur le bras. Puis c'est vrai, là, j'ai comme, je peux pas vraiment vous le montrer, là, mais de toute façon, il n'y a plus rien, là. Ben, je pense que la morsure va laisser une petite cicatrice, mais pour le reste, ça marche. Demain, c'est ma dernière journée d'antibiotiques, puis il n'y a plus de rouge. Donc, je suis bien content. Bravo, docteur. Bien vu, mais quand même, ça m'a gossé. Fait que, c'est ça, c'était une aventure moustiquaire. Fait que, ouais, c'est une grosse aventure qui m'est arrivée, ça, de me faire piquer, imagine-toi donc. Mais c'est ça, demain, d'ailleurs, on quitte demain matin, et puis demain, c'est lundi, et puis c'est le lancement, c'est le pre-order de la Analog Pocket demain, chers amis, à 11h. Et puis, moi, il faut pas que je rate ça là, avant de partir. Là, t'sais, tu peux, là, je vais naviguer sur le site d'Analog en même temps que je vous parle. Allez sur le site analog.co. Et puis, aller sur la Analog Pocket, sur la Pocket, et cliquer sur Pre-Order, puis ça va vous amener dans la page que je vois présentement. Donc, la version noire et la version blanche sont 200$. Ça, c'est-tu US, ça? Ouais, ça doit être tout US, ça, par exemple. Je peux-tu changer l'argent? Laissez-moi voir. Non. Ah, fuck. OK. Bon, on est revenu. Fait que... US... Attends. Je vais adder une affaire to cart. Ouais, non. OK. Fait que, oui, je présume... Oh, je vais vider mon cart. Moi, là, je veux pas acheter demain. Quand ça va être le temps d'acheter demain, je veux pas acheter une affaire de plus. OK. Donc, 200$ US, OK? Cette magnifique console qu'est l'Analog Pocket. C'est quoi ça? C'est une... Game Boy Ultra Deluxe, super slick, super belle, qui joue de base Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Avec cette affaire-là, en plus, tu peux acheter un dock. Quand tu achètes un dock, tu peux brancher, c'est comme un dock de Switch, tu branches ta console dessus, c'est comme un petit socle, tu mets ta console dessus et que ça s'en va comme par magie dans ta télévision HD. Mesdames et messieurs, ta télévision moderne, ainsi tu peux jouer à ces affaires-là dedans ta TV. Puis là, il suffit juste d'avoir une manette USB de ton bord pour jouer à ça, ce qui n'est pas un problème de nos jours, tout le monde en a une. Et puis en plus, ben tu veux jouer à des jeux de Game Boy, tu as même besoin de deux boutons, alors t'as pas besoin de la grosse manette compliquée là. Ben, plus tard peut-être là, pour l'Advance, mais tu sais, n'importe quelle belle petite manette de Super Nintendo Bluetooth, là, USB, je sais pas quoi, va faire la job. Fait que c'est ça. Donc, le dock, il est 100$ de plus, mais pour moi, c'est un must. Là, tu peux acheter d'autres affaires aussi. Un case protecteur pour ta console, pour le transport, à 30$. Non, moi, je vais laisser faire. Un screen protecteur pour 15$, je vais laisser faire aussi. Un power supply pour la charger, j'ai pas vraiment besoin de ça, j'en ai d'autres. Là, ça c'est le fun. Là. Des adapteurs pour jouer aux autres consoles portables. Et en plus, ils sont super beaux ces adapteurs-là, ils sont genre tous pareils. Je m'attendais à ce que ça soit un peu bizarre comme objet, mais non, c'est comme hyper slick. Transparent, vous irez voir ça. Donc, adapteur Game Gear, 30$. Adapteur Neo Geo Pocket, 30$, et puis Atari Lynx, 30$. Donc, en achetant ces trois adapteurs-là, et je risque fort de le faire, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que toutes les affaires d'analogue, c'est souvent pas éternel. À un moment donné, ils arrêtent d'en faire. Puis j'ai peur qu'il y ait une rareté qui se crée autour de ça. Excusez. Fait que je vais acheter ça. Il n'y a pas grand jeu sur ces trois consoles-là qui m'intéressent pour l'instant. Par contre, j'ai envie de les explorer. Et puis, je sais qu'il y a Rygar et Ninja Gaiden 3 que je veux jouer sur Atari Lynx. Et puis, Neo Geo Pocket, il y a plein de belles choses là-dessus que j'ai jamais même pris le temps de regarder parce que j'ai jamais eu de Neo Geo Pocket. Game Gear, c'est bien certain que je vais essayer une couple d'affaires là-dessus aussi. Fait que tu peux jouer à ça dans ta TV là maintenant, c'est fou. Alors, tu as aussi un Pocket-to-Pocket Link Cable. Ça, c'est le Link Cable comme la Game Boy là dans le temps. Donc, pour jouer à deux, 16$. Là, ici, tu as des Nano Loop Pocket to MIDI in Cable. Donc, Nano Loop semble être le truc pour faire de la musique. Les gens qui font de la musique avec leur Game Boy, du chiptune et tout ça. Donc, la machine va être parfaite pour faire ça. Et puis, ils ont tous des câbles là, pour brancher dans ton système. Là. C'est un univers que je connais pas. Alors, ils ont pensé à ça aussi. Donc, c'est très, très bien. Alors, je vais 200$ la console, 100$ le dock, on est à 300$. 3 x 30 pour les 3 adapteurs, donc 90, on est à 390 US. Puis, ça va être pas mal ça. Et puis, plus taxes, plus shipping, je vais aller voir ça, hein. Ça va faire cher, finalement. USD, au CAD, 390, oups, 390. Donc, je suis rendu à 523 canadiens, plus le shipping et tout. Là, on approche quasiment le 600$ pour avoir le gros kit, là, sans protecteur, sans rien, sans power supply. Donc, c'est pas donné, mes chers amis. Cependant, c'est la console, c'est le bidule, que c'est plus qu'un bidule, tu sais, c'est hot, là. C'est l'affaire que j'attends le plus depuis fort longtemps. Comme machine, quand j'ai vu ça, j'étais mind blown complètement. Ça va, c'est parfait. Tout se passe là-dedans pour le portable. Donc, c'est très, très cool. Et puis, c'est pas tous les jours, anyway, que je m'achète des affaires de même. Et puis, j'ai vendu bien des affaires de ma collection, justement, ces temps-ci. Puis, il me reste encore, genre, une console PS3 à vendre. Puis, je vais peut-être vendre ma Jaguar, je sais pas, tu sais. Fait que moi, je fais du ménage pour ça, tu sais, pour acheter des affaires de même, là, justement. Donc, je suis bien excité. Puis, c'est demain matin, lundi matin, à 11h. Alors, ne ratez pas ça, ceux qui s'intéressent, allez sur le site web et précommandez. Donc, on est rendu à la section des acquisitions. J'en ai pas tant, mais quand même, j'ai des choses surprenantes. Donc, je disais précédemment dans le spectacle qu'il y a beaucoup de monde qui nous écrivent pour nous vendre, nous proposer des jeux à vendre chez Retro Montréal. Et puis, au travers de ça, au travers de tous les gens qui nous vendent du filler, qui veulent débarrasser de tout ça, il y a du monde, des fois, qui arrive avec des affaires surprenantes. Et puis, il y a un gars qui était surprenant avec une coupe de jeux en import Saturne, dont trois, dont un que j'avais, un que c'était de la merde, puis un autre que j'avais, mais en autre version. Donc, il s'agit du shmup Sukyu Gurentai. Moi, j'avais celui-ci, voyez-vous. Et puis, ça, c'est un shmup très plaisant, où est-ce que tu tires, et puis... Quand tu gardes ton doigt enfoncé sur le bouton de tir, ben, sur un autre bouton sur la manette, il se déploie autour de ton vaisseau, un genre de frame, de wireframe d'aura. Puis tous les ennemis qui passent là-dedans, ils sont automatiquement targetés. Quand tu lâches le bouton, il part des missiles sur chacun d'entre eux. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des ennemis, des fois, qui sont au niveau plus bas. Ils peuvent pas te faire mal, mais s'ils pognent ton aura, ben toi, tu es capable de les atteindre. Parce qu'ils sont plus bas, mais ils remontent plus tard dans l'écran. Fait que tu peux faire le ménage d'avance en leur shootant dessus. T'sais. Donc, c'est une mécanique très intéressante. Et puis, moi, j'avais cette version aussi. Vous voyez qu'il y a comme un contour blanc. Là, je sais pas si c'est un Greatest Hits ou si... je lis pas le japonais, là, je vais me renseigner, mais c'est quoi qu'elle a, cette version-là? Genre, je sais pas trop. Mais c'était pas pareil comme celle que j'avais à l'origine physiquement, que j'avais vue, puis ça me plaisait pas d'avoir le frame blanc. Et bien, la personne avait ceci dans son lot, qui est la version sans frame blanc. Donc, vous voyez les deux versions. Là, voilà, j'ai de la misère à me mettre à me cadrer. Là. Donc, voilà. Alors, j'ai la version pas de frame blanc, ici. Et puis, je trouve ça magnifique. Ça faisait longtemps que ça me dérangeait. Cependant, vous voyez dans le titre, là, il y a comme une affaire rouge, là, des cris ici en dessous. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais demander à mes amis. Fait que j'aurai une des deux copies à vendre. Mais je veux juste être sûr là, que la version blanche, c'est genre un Greatest Hits. Puis qu'elle n'a rien de plus ou de développé de plus important que la version originale. Mais je préférerais avoir la version originale. Fait que là, j'ai les deux au moins, puis on va voir, je vais faire le ménage là-dedans. Moi, je suis bien pointu de même dans la collection. Je suis comme, je veux pas le cadre blanc, je veux comme la version normale. Fait que c'est ça. Puis ce gars-là, dans le fond, il y avait une coupe d'import de même, des affaires euro. Puis, out of nowhere, il y avait ceci. Circus Charlie version Micro Genius. Donc, ça, Micro Genius était disponible au Québec en masse. Il faisait des bootlegs de jeux Famicom. Un très connu est Baby Mario, Mario Baby, qui est en fait le jeu, euh, jeu Famicom Bio Miracle, boucoté ou pas, je sais pas trop comment le dire. Donc, puis ça, ben, c'est Circus Charlie, comme vous avez joué sur la cassette multijeu, tout le monde aime tellement ce petit jeu-là. Ben, c'est ça. Et puis, Microgenius ont fait une version, et puis la voici, puis c'est le fun, c'est le même artwork, la version Famicom. Et puis, moi, le Microgenius, je le ramasse quand il y en a qui est complet. C'est juste un boîtier, puis même pas d'instruction, tu sais, c'est juste ces deux affaires-là. Mais moi, j'aime beaucoup ça, ramasser ça. Et puis, quand il y en a, tu sais, et puis le gars, il m'a fait un bon prix pour ça. C'est très, très cool. J'adore vraiment. Et puis, j'aime encore plus quand c'est pour des bons jeux, là, tu sais. Là, j'aimerais ça avoir Karateka, j'aimerais ça avoir Super C, et puis tout ça. Et puis, mais voilà, ça a l'air de rien, mais moi... C'est ça qui me rend beaucoup heureux aussi d'avoir un magasin de jeux vidéo. C'est qu'ils passent des affaires entre les mains et soudainement, whoop, un petit plus pour la section Microgenius. Qui est une. Tu sais, j'y pense presque jamais, mais quand je la ressors, je suis comme, ah, c'est nice, là, tu sais. Donc, ça me rend bien, bien heureux d'avoir ça. Je ferai un post sur ma page Facebook à un moment donné pour vous montrer de quoi ça a de l'air. Excusez, je vais m'étirer un petit peu. Et puis, deux jeux Switch. Puis, je sais que j'en ai d'autres qui dorment au magasin, là, mais je ferai une pile et puis je vous montrerai tout ça à mon retour. Ici, je pense que j'en ai parlé au dernier show. Mr. Driller, Drill Land. Ceci est le jeu GameCube qui était seulement disponible au Japon. On ne l'a pas eu ici en Amérique du Nord. Ben, ça, c'est un remake. Dans le fond, c'est la version GameCube qu'ils ont fait pour la Switch. Et puis, voilà, donc c'est pas juste arcade, c'est arcade, mais t'as plusieurs mondes à faire, donc c'est très plaisant, Mr. Driller, t'as un petit bonhomme qui creuse vers le bas, qui pique vers le bas des cases, là, dans le fond, puis il faut que tu descendes vite, faut pas que le dessus te tombe sur la tête, parce que des fois, tu traverses de gauche à droite, et puis il faut que tu ramasses des petites pilules d'air aussi, pour que t'as un meter d'air, donc c'est un jeu d'arcade, dans le fond, très cool, de Namco. Puis c'est une mascotte de Namco aussi, là. C'est une petite franchise quand même importante pour eux. Alors voilà, c'est arrivé chez Retro Montréal et puis j'en voulais une absolument. Il nous en reste quelques copies. Moi, je vous dirais d'aller voir du gameplay si vous ne connaissez pas ça. Si vous connaissez la franchise et puis que ça vous intéresse, garochez-vous là-dessus au plus vite. C'est pas quelque chose qui a été si facile pour nous à avoir. Et puis, ben voilà. Moi, je le trouve pas mal cool d'avoir ça en stock présentement. Très bon, je présume, très bon petit jeu. Je vais le déballer lorsque j'y jouerai. Je fais ça avec les jeux Switch. Je les déballe pas tant que je joue pas. T'sais. Et puis, un autre, ça, je suis en retard un peu là-dessus. On l'a eu il y a quelques mois. Et puis, j'avais skippé. Puis finalement, les gens m'en ont parlé quand même en bien. T'sais. Il paraît que c'est quand même bien le fun. Momodora, Rêverie Under the Moonlight. Donc, j'en ai commandé un pour moi, et puis je vais l'essayer, puis si c'est bien, si c'est intéressant, je vais commander tout ce qui reste chez notre fournisseur. C'est du limited run, t'es jamais perdant en ayant des limited run en magasin, ça finit toujours par partir. Donc, ça va dans le backlog, j'ai pas le temps de jouer à ça présentement parce que je joue à d'autres choses, mais je vais l'amener en vacances, là, tu sais, comme, c'est ça, ça me le prenait. Je me rappelle plus, j'oublie d'un épisode à l'autre de quoi je vous ai parlé. Ici, un jeu de DS, Kirby and the Kirby Canvas Curse. Donc, je l'avais pas. Et puis, j'étais pas sûr que je le voulais. Puis là, finalement, j'ai regardé c'était quoi ce jeu-là. Et puis, c'est comme un jeu de traçage. Tu fais des chemins que Kirby embarque dessus. Puis tout se joue au stylet. Puis moi, j'aime ça, la DS, pour les jeux qui se jouent au stylet comme ça. Mario vs. Donkey Kong 2, là, Miniland Mayhem, je pense que c'est le 2. En tout cas, Miniland Mayhem 1 et 2, c'est tellement le fun, ces jeux-là. Parce que tu prends ton stylet, puis tu mets des chemins, tu mets des rampes. Puis ça, Kirby, c'est pareil, tu traces avec ton stylet le chemin, t'envoies Kirby dessus, tu pokes les ennemis, tu sais. Moi, j'adore les jeux qui se jouent au stylet, pour vrai, puis je trouve que ça utilise parfaitement... je veux dire, la DS est faite pour ça, des jeux de même, là, tu sais, c'est que... Non, je suis très content d'avoir ça, j'y ai joué un peu, mes enfants ont joué un peu, on a tous bien aimé ça. Alors, ça va dans ma collection, très, très, très heureux. Ça vaut cher, ça? Je vais regarder, voir sur Price Chart. Je pense pas que ça vaut cher, là. Mais ça dormait dans nos bacs, puis il était tout le temps sur le dessus, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, ah, fuck off, je vais l'amener à la maison, puis on va l'essayer. Et puis, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut 25$, donc voilà. Ça vaut la peine pour le 25$. Bon, là, on se transporte comme par magie hein, dans l'univers de l'Atari 2600. Et puis, vous l'avez vu sur ma page Facebook probablement, mais je vous le représente quand même. Donc, juste pour faire un résumé, l'année passée, mon ami Jonathan Brochu, Johnny Gretis, que vous pouvez entendre dans le podcast le Chac à cassette, dans son Game Chasing, m'avait trouvé Pouyan pour Atari 2600. Pouyan, qui est aussi un jeu que vous avez joué sur la cassette de 260 en jeu, qui est bien le fun. Et puis, c'est ça. Il m'avait trouvé ça sur eBay. Moi, j'avais déjà les trois jeux. Il y a trois jeux de Konami sur Atari 2600. Ça, c'en est un. Moi, j'avais déjà les trois cassettes. Puis, tu sais, il m'a montré ça à 20$. Là, j'ai dit, ah non, je veux pas les boîtes, là. Mais finalement, je regardais ça. J'ai dit, ben, c'est pas cher en même temps. Je la revendrai, la boîte, au pire. Puis, tu sais, comme je financerai autre chose. Sans que ça vaille des millions, là, on s'entend. Puis, finalement, quand il m'a amené l'objet, je trouvais ça tellement, oups, tellement beau. Je trouvais la boîte tellement belle que j'ai décidé de la garder. Là, il manque un petit holder en plastique, là, ou la cassette, là. Pour que ça tienne. Faut que ça tienne bien droit, bien centré. Fait que ça, je ne l'ai pas. Mais sinon, j'ai le reste. Et puis, c'est ça. Je trouve la boîte vraiment stylée, là. C'est hyper stylé. Mes enfants disent ça tout le temps. Et puis, c'est du Konami, là, tu sais. Avec le vrai old school logo de Konami partout dessus, là. Je trouvais ça magnifique. Fait que, ayant ça chez nous, ben, vous me connaissez. Je suis ce qu'on appelle un complétiste. Et puis, c'est ça le terme, un complétiste, je crois. Là, je me suis dit, fuck, maintenant, je les veux les trois complets en boîte pour que ça soit beau sur les tablettes, tu sais. Le deuxième que j'ai trouvé, c'était Strategy X. Ça, je vous l'avais présenté dans un épisode il n'y a pas si longtemps, même. Fait que je l'avais trouvé sur eBay, celui-là, à prix correct, sans trop de difficulté. Vous voyez, celui-là, il a le holder en plastique dedans, là, malheureusement. Pas malheureusement. Heureusement. Malheureusement pour les autres. Donc, et de deux, tu sais. Puis là, il me manquait Marine Wars. Et puis là, moi, j'avais publié une photo de mes deux jeux que j'avais sur Atari Age ou Atari Collector, je sais pas trop. Et puis, il y a un gars qui m'a dit, ouais, bonne chance avec Marine Wars. Ça m'a pris 2 ans avant d'en trouver un. Et puis, finalement, je l'ai eu. Ça n'a pas été facile. J'étais comme, ah, Colin, moi, je pensais que c'était pas compliqué d'avoir ça, tu sais. Là, c'est-tu un autre dossier Atari, ça, comme Astérix, NTSC, comme AirBMX, AirMaster? Moi, j'ai des notifications précises pour l'Atari 2600 d'activer dans mon téléphone pour des fucking affaires qu'il n'y a jamais. C'est tellement... Il n'y en a pas. Il y a 4-5 affaires. Je suis comme, Colin, j'aurais jamais ça. Je suis prêt à mettre le prix. De la minute que je le vois, je l'achète. Mais il l'a pas, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ah, Marine Wars va tomber dans cette catégorie-là, tu sais, fuck off, c'est donc même dommage. Je l'aurai jamais. Et puis là, out of nowhere, comme 2-3 semaines après Stratégie X, ben, il y a un mois à peu près, en date d'aujourd'hui, Marine Wars apparaît sur eBay pour un prix qui était bien correct, là, tu sais. Puis il faut faire attention parce qu'il y a la version européenne aussi où est-ce que le logo de Konami, ici présent, est changé. Il n'est pas pareil, là. C'est un petit carré dans le coin. Donc, faut pas se tromper. Et puis, je regardais ça comme faux. Puis là, bang! Comme, drette de main. Je niaisais sur mon téléphone dans le divan un soir. Je retourne checker mes notifications. Je suis comme, ah, Marine Wars est là. Je l'achète immédiatement. Et puis, ça m'est revenu vraiment pas cher, là, genre 60$. J'étais tellement heureux. Et puis, maintenant, ça close la trilogie Konami sur l'Atari 2600. C'est absolument magnifique. J'aime ces objets-là d'amour parce qu'ils sont beaux. Les jeux Marine Wars, c'est tel que tel. Pouyan, c'est Pouyan. On aime tous ça. Quand même difficile la version Atari, là, mais quand même très bien faite. Strategy X, j'ai pas réussi à comprendre comment même avancer dans le jeu, mais je checkerai ça un moment donné. Donc, trilogie complétée, mesdames et messieurs. Et puis, on va aller voir combien ça vaut, ça, ces belles choses-là. Je vais tout vous mettre ça là, en CIB ici. Je vais regarder. En même temps, ça me permet de vérifier. Tu sais, moi, j'achète. Là, c'est tout en bas de 100$, là, tout ça. J'ai pas payé ça cher du tout. Et puis, Je veux voir combien ça vaut, vite fait. Marine Wars, 60$, c'est à peu près le prix que je l'ai payé. Quand même, je pensais que ça valait plus que ça. Pouyan, 40$. Je l'ai payé à peu près 20$. Strategy X. Ah, tu vois, 55. Donc, lui avec 60$. Donc, disons, on va s'entendre pour dire qu'ils valent tout à peu près 50$ là, quand on fait une moyenne. Mais c'est pas tant l'argent, mesdames et messieurs. C'est de les trouver, là, je vous le dis. Je suis très content. Je me considère très chanceux d'avoir ça proprement comme ça. Ils sont pas parfaits, mais ils sont très clean. Et puis, pour finir... tiens, d'ailleurs, je vais me mettre le prix ici. Pour finir, un dernier jeu Atari 2600. J'ai presque terminé toute la série Activision, complète en boîte. Il faut savoir que dans la série Activision, il y a deux séries, en fait. Tu as la série principale, qui est Pitfall, Crackpot, là, Pressure Cooker, tous ces jeux-là que vous connaissez avec bien des couleurs. Là. Puis il y a une sous-série de pas beaucoup de jeux. Là-dedans, ils rentrent Pitfall 2, River Raid 2, Ghostbusters, Hero, Beam Rider, Rampage, Double Dragon, Private Eye. Oh, on approche de la dizaine. Là. Fait que Cosmic Commuter. Et puis, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est la série Activision Special. C'est des jeux qui sont sortis. Je sais pas si c'est sorti après ou pourquoi. C'est Special, en fait. C'est le même qui les nomme dans Atari Age. Et puis, ben moi, bien sûr, je veux tout, c'est eBay. Et puis, j'ai finalement eu... Il me le manquait. Il m'en manque juste trois, là. Hero. Ça, mes amis, c'est considéré comme un excellent, sinon le meilleur jeu Atari 2600 par bien des gens. Un jeu qui a beaucoup de profondeur. C'est drôle de dire ça parce qu'on descend dans des trous, secourir des gens en plus profond. Et puis, moi, quand j'étais jeune puis que j'ai joué à ça pour la première fois de ma vie, un ami me l'avait prêté quand j'étais en deuxième année. Il dit « Ça, c'est vraiment bon. » Je suis comme « OK, on va essayer ça. » Je suis comme « Wow! » Mais mon Dieu, c'est pas tout le temps genre la même affaire. Puis tu sais, c'est... il y a des niveaux, tu sais. Je sais pas, il y en a combien des niveaux, le dises-tu là-dessus? Non. Peut-être dans les instructions. Mais d'après moi, il doit certainement avoir une cinquantaine de niveaux là-dedans. Tous différents. Et puis, tu tires des lasers avec tes yeux pour tuer des bébites. Et puis, tu mets de la dynamite pour faire exploser des murs. T'as du temps. Tu descends tranquillement avec ton hélice d'hélicoptère. Bref, c'est surprenant, c'est très intéressant comme jeu. Et puis, il l'a aussi sur Coleco, il l'a pas sur Intellivision, il doit l'avoir sur les ordinateurs, les micro-ordinateurs du temps. Bref, excellent port, excellent jeu de Activision. C'est, regardez ça, la signature aussi, c'est absolument magnifique. Et puis, je vais vous montrer le dedans en même temps qu'à ça. Parce qu'il y a des belles choses. Le cart ici, comme ça, je pense que dans le temps, en usine, ils mettaient un N comme ça pour North America ou NTSC ou je sais pas quoi. Quand il y a le petit collant comme ça, ça veut dire que ça s'adresse à nous, que ça marche sur nos machines ici. Parce que non, tu peux pas jouer à des jeux européens sur une Atari 2600 nord-américaine. Et puis le beau petit bouclette là, comme ça. Ça, c'est notre pote. Le héros lui-même, il s'appelle vraiment... comment est-ce qu'il s'appelle? Roderick Hero. Alors, j'étais surpris de voir que c'était un genre de Texan, là, je sais pas quoi. Donc, Roderick Hero, habillé comme pour aller à l'ouvrage et habillé en héros lui-même. Alors, c'est incroyable. Et puis, très beau livret, très bien fait. Et puis, il y avait une patch. Ah oui, hein? Tu peux avoir la patch ici de Hero parce que ça demeure un jeu Activision. Donc, si tu as une bonne run, avoir la patch Hero, c'est magnifique. Alors, très, très, très beau package. Il me le manquait, puis je le voulais. Même si j'avais pas fait de série Activision, c'est un jeu que je voulais quand même, bien sûr, parce que c'est un jeu que j'adore sur la console qui est très hot. Et puis, ça vient du groupe Facebook canadien CDN. Un des admins, Bobby Van L, qui est un très cool guy, a fait un post qui avait une couple d'affaires Atari et qui venait de rentrer. Et puis, j'ai dit, d'autres, j'ai besoin de ça. Et puis, il me l'a mis de côté. Mais Bobby, il est chérant. Ils sont chérants en Ontario, sérieux. À chaque fois que je veux dealer avec du monde là-bas, là, c'est comme... j'essaie d'acheter des lots à des gens, tu sais, puis on s'entend jamais parce qu'eux autres, là, leur pricing est vraiment cher, là, comparé à ici. Moi, je me fie à Price Charting à peu près, tu sais, puis j'ajuste un peu quand c'est du GameCube, whatever. On peut s'entendre, tu sais. Mais là-bas, man, ils vendent cher. Est-ce qu'ils vendent tout ce monde-là, des magasins, des boutiques, des kiosques, le marché aux puces. Ils vendent fucking cher, tu sais. Fait que là, on peut s'entendre, mais je veux pas payer 250$ pour ça, là, tu sais. Lui, il voulait le vendre 200$, là, tu sais, c'est ben trop. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on s'est entendu, on s'est fait un trade. J'ai envoyé Wind Waker sur GameCube, et puis, qu'est-ce que j'ai envoyé d'autre dedans? Un autre jeu... Ogre Battle 64, loose. Et puis, contre ça. Donc, mon Ogre Battle, le label n'était pas parfait. Fait qu'on s'entend. Le GameCube a vraiment jumpé là, depuis la pandémie. Fait que Wind Waker est rendu... je pense, à 80, là, quelque chose de même. Fait que c'est ça. Ben, on va regarder. D'ailleurs... Parce que le monde, ils font le saut des fois, mais le Zelda, Wind Waker, GameCube, ouais, on est pas mal rendu dans les 80, en tout cas, nous autres, en magasin, il me semble. Puis, c'est ça, mais il faut mettre ces prix-là, tu sais, il faut suivre le marché si on veut pas se faire scalper nos jeux par les scalpers. Je salue ceux-là qui écoutent. Fait que, voilà. Alors, deux jeux à valeur boostée contre ce hero-là, fait que je suis bien content. Bobby a été bien chill là-dessus. Donc, très, très, très, très belle acquisition. Ça me rend bien heureux. Ah oui, puis on peut voir en dessous ici l'étiquette. Donc, attendez, je vais essayer de... Consumers Toronto, catalogue numéro. Donc, ça, je me demande si c'était pas une commande de chez Sears à Toronto, Canada. Ouais, c'est peut-être une étiquette de Sears. Au moins, ils ont eu la décence de le mettre en dessous, tu sais. Donc, voilà, un peu d'historique là-dessus. Très content. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Ben, ça, c'est le tour de mes acquisitions. Sinon, je joue... avant de vous quitter, je vais prendre une autre gorgée de café. Je joue ces temps-ci à... J'ai starté Horizon Chase sur Switch que j'avais acheté quand on l'a eu au magasin. J'aime ça, c'est comme c'est simple. Là. Tu payes sur le gaz, tu payes sur le break, that's it. Un peu répétitif, mais bon, je trouve que c'est un bon petit jeu de même de roulement. Fait que je vais essayer de faire tout le World Tour et puis d'avoir une première place partout. C'est un projet de longue haleine. Donc, j'ai joué en masse aussi à Panzer Paladin. J'ai fait il y a un choix qui s'impose. Quand tu arrives à la fin du jeu, quand tu as battu le boss de fin, fait que j'ai refait les derniers niveaux pour voir les deux. Donc ça, c'est fait. Là, j'ai commencé à jouer au Remix parce que quand tu finis le jeu, tu unlocks Panzer Paladin Remix, qui est le jeu que tu refais au complet. Mais les niveaux sont un peu changés, un petit peu plus difficiles. Donc, j'aime ça. Je suis là-dessus. Puis, ce qui est le fun, c'est que toutes les armes que tu ramassais dans ta quête principale, quand tu start Remix, t'es à toutes. Fait que tu pars là, très, très bien équipé. Moi, j'ai tellement d'armes là, à cette heure, je ne sais même plus quoi en faire. Là, t'sais. Je trouve que c'était peut-être un petit quelque chose qui manque au jeu, ça, comme plus de gestion des armes. On est capable d'en jeter. T'sais. Oui, on peut les lancer, mais là, c'est beaucoup de gossage, les équiper tout le temps. Puis tout. Fait que, en tout cas, beaucoup, beaucoup de gestion d'armes. Là, j'en ai comme trop vu qu'on en pogne tout le temps. C'est drôle parce qu'à un moment donné, au début du jeu, j'en manquais, tu sais. Fait que bref, en tout cas, j'adore ce jeu. J'en parlerai pas plus longtemps parce qu'on en a parlé en masse à Rétro Nouveau. Allez écouter le dernier épisode. On était dans les studios de Tribute. Et puis, désolé pour le son. J'ai même pas eu le temps de l'écouter moi-même. Les boys, ils ont dit que le son était rough un peu, mais on fait ce qu'on peut, hein? Qu'est-ce que tu veux? Et puis... je vous avais présenté des jeux de Super NES, il me semble, que j'ai acquis dernièrement, dont Hook au Super NES. Eh bien, je me suis commencé une petite game relax hier soir. Puis finalement, j'avais déjà fait, après une demi-heure, 40 minutes, j'avais fait le trois quarts du jeu. J'étais quand même bien content. À moins qu'il y ait beaucoup d'autres choses qui apparaissent par la suite, mais je pense pas. Donc, sur le coup, c'est un jeu à 10-15$. Oh, excusez. C'est un jeu à 10$, je viens de me lever, hein. C'est un jeu à 10-15$ qui paraît qui est quand même très bon. Puis c'est un jeu magnifique, bonne musique et tout. Par contre, faut pas faire le saut. C'est très floaty. Là. Le personnage, quand tu sautes, il saute doucement, il marche doucement. Au moins, Dieu merci, il donne des coups de couteau rapides. Fait que ça, tu vois venir les ennemis. Fait que, au début, ça, tu fais le saut, là, tu sais. Mais faut pas lâcher ça. Puis quand tu continues, c'est comme, ah, cool platformer, ça vaut la peine. Donc, j'avais laissé ma jouer sur ma analogue NT, Super NT, et puis avec des manettes sans fil. Et puis, j'ai laissé ça runner toute la nuit, parce que je l'ai mis sur pause, puis je me suis dit, je vais finir ça matin, avant de faire mon podcast. Et puis là, ma manette s'est vidée pendant la nuit, fait que j'ai changé. Là, j'en ai une autre, j'en ai deux manettes comme ça. Là, quand j'ai voulu rebrancher l'autre manette dans le socket, comme, pfiou, le jeu a fermé, comme ça l'a tilté, court-circuit, je sais pas quoi. Et, ben, pas un court-circuit, là, mais ça l'a éteint, ça l'a reseté toute la patente. Calice! Tu vois, c'est le fun des manettes sans fil, mais ça c'est un bug que j'ai. Moi, j'ai une manette NES que j'ai modifiée avec un petit kit 8-bit do, fait que, tu sais, elle est wireless. Par contre, quand je laisse le jeu sur pause, la manette s'éteint, tout s'éteint, puis le jeu... Quand la manette s'éteint, le jeu se dépose et pèse vers la droite automatiquement. Fait que là, tu sais... Si je m'en vais pendant la nuit, comme le bonhomme peut accoter dans un mur puis marcher toute la nuit, puis à un moment donné, je vais mourir au bout du temps s'il y a un timer. S'il n'y en a pas, il va juste marcher par en avant toute la nuit. Tu comprends? Fait que quand ces maudites manettes wireless-là, man, tu peux pas laisser le jeu sur pause. Puis quand tu joues à des vieux jeux de même, il faut que tu laisses sur pause. Tu n'as pas tout le temps une heure là, pour jouer tant que ça. Là, fait que ça me rebute un peu. C'est pour ça que je ressors mes manettes à fil, parce qu'au moins avec ça, il n'y a jamais de problème. Là, donc, ça me déçoit, moi vous le dis, je suis un peu déçu de ça. Les maudites manettes qui se vident et qui se déposent pendant la nuit. Bon, mais je vais le refaire, là. Ça faisait longtemps que je voulais finir un petit jeu Super NES, là. Ça faisait longtemps que j'ai pas fini de jeu, en fait. Faut bien que je remplisse mon Google Sheet, donc voilà. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui, mes petits lapins. Vive les vacances, et puis je vais tenter d'enregistrer ou d'être présent. Quand même, je vais faire des choses, là, on verra. Je sais pas si je vais être capable de faire un épisode là, au cours des deux prochaines semaines, ça dépend vraiment du timing. Rétro Nouveau, les gars, on n'a pas un show cette semaine, on était supposé avoir un show la semaine d'après. Je pense que Bruno est peut-être pas dispo, fait qu'en tout cas, ça se peut que ça soit décalé, ça aussi. C'est le dernier stretch, le mois d'août, donc ça se peut qu'on soit un petit peu moins présent, mais après ça, ça va reprendre comme d'habitude. Alors voilà, j'ai dit voilà constamment. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite bien du bonheur et puis surveillez ma page Facebook, bien sûr. Continuez de regarder la page Facebook de Retro MTL matin, midi et soir parce qu'on met constamment du nouveau stock en inventaire. Si vous ne voulez pas rater les belles choses, comme j'ai eu un Battle Princess Madeline sur Switch que j'ai commandé. Il y en avait juste deux exemplaires, j'ai pris les deux. Le Battle Edition, je ne suis pas trop. Puis comme ils se sont vendus à la seconde qu'on les a mis en ligne, tu sais. Fait que des fois, ça, dans le temps de Blasphemous aussi, on les vendait tout de suite quand on les mettait en ligne. Donc, si vous voulez rien manquer, suivez ça. C'est très intéressant. Moi, c'est mon magasin. Mais si j'avais pas de magasin puis qu'il y avait un magasin de tel à Montréal, je surveillerais constamment ce qui pop. Parce que, tu sais, des fois, tu veux régler des dossiers. Et puis, on a bien du stock pour régler bien des dossiers. Et puis, merci pour votre support. Merci d'écouter mes spectacles. Donc, et puis, on se voit très bientôt, les amis. Ciao!